petite balade dans le ciel d'hiver, les Gémeaux. Tout juste au-dessus, légèrement à gauche de la constellation d'Orion que vous admirez plein sud en milieu de nuit, se trouvent deux frères qui se donnent la main, les Gémeaux et les Gémini de la mythologie. Castor et Pollux, fils de Léda et Zeus. Castor et Pollux sont en fait les étoiles principales de cette constellation des Gémeaux. Approchons-nous de cette constellation pour y découvrir les objets à voir ou à revoir. La tête de notre premier jumeau s'appelle Pollux. Alors qu'elle est la plus brillante de la constellation, elle est classée comme étant Beta Gemme, une étrangeté historique. La tête de son frère n'est autre que Castor. Et c'est en fait cette seconde étoile qui possède un intérêt certain, bien plus que Pollux. En effet, Castor, que vous devrez absolument aller voir de près, n'est pas une simple étoile, mais un système multiple. Castor possède deux composantes principales, blanche et brillante, séparées par 6 secondes d'arc, mais chacune de ces composantes se trouve elle-même un système binaire, et une troisième composante, elle-même également binaire, gravite à 72 secondes de là. Castor est ainsi une étoile sextuple, une belle curiosité 6 à 50 ans de nous pour la lumière. Promenons-nous plus avant parmi ces Gémeaux. Nous nous dirigeons depuis Castor vers la main partagée par les deux frangins en descendant et on s'arrête après avoir fait 3/4 du chemin. Ici se trouve un duo, là encore, mais qui forme un unique objet en réalité. Il s'agit de NGC 2371 et 2372, qui sont deux lobes d'une même nébuleuse planétaire. Ces deux lobes sont symétriques et sont presque séparés, ce qui leur a valu un numéro chacun dans le New General Catalog. Poursuivons en nous rendant sur la main droite de Pollux. Cette étoile s'appelle Kappa Gemme. Elle vaut le coup d'œil par sa nature double, étoile séparée par 7,2 secondes d'arc. Une composante est jaune, de magnitude 3,7, et l'autre blanche, de magnitude 8,2. Nous descendons maintenant légèrement en direction du genou de Pollux pour trouver un peu au milieu de nulle part NGC 2420, un amas ouvert sympathique composé d'étoiles faibles qui a l'avantage de très bien se détacher de son environnement. Mais tout cela n'est qu'un échauffement, vous vous en doutez. Nous allons passer au sérieux. Quand on est dans les Gémeaux, il faut aller voir l'une des plus célèbres nébuleuses planétaires du ciel. Pas moins. Il s'agit de la nébuleuse du clown, NGC 2392. Elle a la particularité de montrer son étoile centrale, bien brillante, avec une magnitude de 10,5. Cette nébuleuse planétaire est magnifique. On peut y déceler des détails dans son disque avec un télescope de plus de 200 mm. Allez ensuite vous reposer les yeux non loin de là en vous rendant sur le ventre de Pollux et l'étoile Vasat. Cette étoile double est amusante de par la différence d'éclat entre ses deux composantes, 3,5 et 8,2 en magnitude. Elles sont séparées par 5,4 secondes d'arc. La plus faible des deux étant nettement jaune et presque orange. Avant de finir en beauté comme à notre habitude, je vous envoie voir un petit amas assez difficile à voir. C'est NGC 2158. Il est composé d'étoiles faibles et qui se situe du côté Castor, plus exactement à côté de son pied gauche. Voir cet amas est un très bon indicateur de la qualité de votre ciel. Alors, nous arrivons à la fin de notre voyage dans les Gémeaux et je vous invite au clou du spectacle. Tout juste à côté de NGC 2158 que nous venons de quitter, vous trouverez sans mal M35, qui est probablement l'un des plus beaux amas ouverts de notre ciel. On peut y voir une sorte de chaîne d'étoiles qui traverse son centre. De nombreuses étoiles doubles y sont cachées. Saurez-vous les trouver ?